Le succès n'est pas aimé, surtout par ceux dont il est la chute. Les huées ayant avorté, les saltimbanques de Tarinzofide rédigèrent une supplique à l'autorité. Aux bateleurs se joignirent les révérends. On délaissait le sermon pour aller à Gwynplaine. Les pasteurs des cinq paroisses se plaignirent à l'évêque de Londres, lequel se plaignit à sa majesté. Y avait-il prétexte ? Homo était le prétexte. Ursus, par l'atelier, avait vente ses menées. Il commençait à regretter d'être venu à Londres. La pauvre Grimbox n'avait pour elle qu'une chose, l'inertie municipale. C'est du laisser-faire, local, qu'est sortie la liberté anglaise. En Angleterre, indifférence, c'est protection. L'homme qui rit en devenait plus populaire. Ursus gardait pour lui ce que le disait maître Nicolas des intrigues et des plaintes en haut lieu, et n'en parlait pas à Gwynplaine, pour ne point troubler la sérénité des représentations par des préoccupations. S'il arrivait malheur, on le serait toujours assez tôt.